APF France Handicap en Loire-Atlantique, toujours mobilisée, la délégation du 44 lance une série de podcasts qui s'intéressent à plusieurs thèmes, toujours traités sous l'angle de la solidarité. Aujourd'hui, nous faisons découvrir le Pacte du Pouvoir de Vivre, un collectif de 55 organisations qui portent ensemble la convergence des questions écologiques, sociales et démocratiques. Nous avons interrogé Isabelle Mercier, secrétaire générale de la CFDT en Pays de la Loire, qui nous a parlé de son engagement au sein du Pacte du Pouvoir de Vivre. Je suis Isabelle Mercier, responsable de la CFDT des Pays de la Loire. Mon métier, c'est je suis éducatrice jeunes enfants. Donc, j'ai longtemps travaillé dans les crèches de la ville de Saint-Nazaire, que j'ai quittée quand j'ai commencé à prendre un mandat syndical au niveau de la CFDT territoriale. Et dans les autres mandats que j'ai liés à la CFDT, je suis membre du bureau national et aussi mandatée au Césaire des Pays de la Loire. Alors le pacte du pouvoir de vivre, c'est un projet, c'est une mise en dynamique d'un certain nombre d'organisations, de fédérations et d'organisations syndicales, d'associations autour d'un double enjeu, hein, la transition énergétique et l'enjeu climatique et la justice sociale. Et du coup, ça a été de faire travailler tous ces organismes ensemble pour établir un diagnostic commun, mais aussi et surtout pour se projeter sur un certain nombre de propositions. Donc il y a un an, il y a eu 66 propositions autour des thématiques environnementales liées à l'emploi, liées au public vulnérable. Et lié à la démocratie. Et donc, l'enjeu, en fait, c'est de peser dans le débat et de peser dans le rapport de force avec et des propositions et des orientations et une volonté de faire se concilier la justice sociale et la transition énergétique. Nous, à la CFDT, ça fait plusieurs années qu'on essaye de développer, de se travailler ensemble avec d'autres acteurs du monde associatif. En 2012, on avait fait, au moment des présidentielles, le pacte social. Et puis, après les événements de Charlie Hebdo, on avait eu les Places de la République aussi, dans lesquelles on s'était investi. C'est toujours resté très national, très parisien d'ailleurs, ce genre d'engagement. La différence, la vraie différence, c'est, je pense, la construction collective d'un projet qui se décentralise dans les régions et qui se vit dans les territoires. Moi, je m'y retrouve, donc en tant que militante CFDT, mais aussi en tant que personne, parce que une organisation syndicale, on l'attend plus sur le plan des travailleurs dans l'entreprise. Or, le travailleur dans l'entreprise, sa vie dépend de ce qui se passe sur son territoire. Parce qu'un territoire attractif, c'est davantage de développement économique, et puis pas parce que sa qualité de vie au travail, s'il n'y a pas de qualité de vie sur son territoire, il y a un impact évident. Et du coup, moi je m'y retrouve parce que cette action territoriale, elle est importante, elle est nécessaire, pour qu'ensemble on puisse porter la parole des plus précaires, pour qu'on puisse porter la parole des travailleurs, et puis qu'on puisse peser sur justement cet aménagement de territoire au service à la fois de la transition, mais aussi au service de l'enjeu, des enjeux de société, des enjeux notamment pour les plus précaires. On est très engagé avec la mutualité. Donc la mutualité, on est plus sur les enjeux de santé, les questions sanitaires, l'organisation du système de soins, de la protection sociale. On est beaucoup avec les Franca qui eux agissent davantage au niveau des quartiers, sur l'éducation populaire, sur l'accueil des enfants, l'accueil des jeunes, avec cette vertu émancipatrice. On travaille pas mal avec Interasso, la FAGE. En fait, c'est le nom de la FAGE en région, enfin sur le 44. Donc, eux sont davantage sur la question jeunes et emploi, jeunes et pauvreté étudiante, jeunes et isolement, dans les mois qu'on a passés. On bosse pas mal avec le pacte civique. Donc, pacte civique, eux, ils sont plus sur les enjeux de comment faire naître le débat, d'autres formes de débat, faire de la démocratie participative. On a eu aussi la FNE, les environnementaux, donc, qui, eux, ont un regard dans la région autour des questions de, liées à l'eau, par exemple, à l'isolation thermique. Donc voilà, on a une vraie complémentarité qui a été très visible quand il y a eu le Tour de France qui est passé en région le 11 décembre et où on avait en plus la Fondation Abbé Pierre qui était présente alors qu'ils ne sont pas sur le territoire. Et dans les échanges entre... Donc il y avait Fondation Abbé Pierre, Mutualité, la FAGE et la CFDT, on voit bien que nos regards se complètent et que nos orientations croisées permettent d'avoir un projet qui prend l'humain dans sa globalité, quoi. Je trouve que c'est hyper important parce que, en fait, l'originalité de toutes ces associations, c'est de mettre le focus sur ce qui est leur public cible. Et la question du handicap, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit dans les territoires, l'intégration des personnes à porteurs de handicap, on voit bien dans l'entreprise combien ça peut être compliqué, parce qu'il y a des entreprises qui préfèrent payer les amendes plutôt que de travailler sur, sur cette, ce type d'intégration. On le voit encore plus avec les mesures sanitaires liées au Covid-19, par exemple. Puisque le réaménagement des locaux, faut aussi qu'elles tiennent compte de ce public. Et bien souvent, si on n'alerte pas, ça passe à travers les mailles du filet, cette vigilance-là. Et donc, l'intérêt, c'est d'élargir encore un peu plus le spectre de l'ensemble des personnes qui se sentent concernées, d'une part, et qui sont concernées par cet ensemble de propositions. Nous, on a décliné localement un certain nombre de propositions, notamment autour de la mobilité et du logement, en regardant et en interpellant la région comment la question de la mobilité elle avait un impact sur notre région et comment elle impactait les gens, que ce soit dans leur pouvoir d'achat ou dans leur capacité à répondre positivement au travail. Et on voit qu'il y a des trous dans la raquette et qu'il y aurait besoin de développer davantage cette question de la mobilité en y associant y compris les employeurs pour réorganiser le travail pour favoriser les transports collectifs sur des horaires qui correspondent, sur du covoiturage. Sur les questions d'isolation de logement, on a également interpellé sur la nécessité de pointer et de cibler un certain nombre de secteurs où la question du logement n'était pas pertinente. Et puis l'autre champ fortement investi, c'est sur la santé, parce qu'on a des territoires dans la région, je pense à la Mayenne, je pense à la Sarthe, où on a des vrais déserts médicaux et un accès aux soins qui est rendu difficile et qui est inégal et donc qui n'est pas juste. Et du coup, on a pas mal agi autour de ces thématiques-là. Et puis, donc ça, c'est plutôt les actions... j'ai envie de dire régional, et dans les départements, on a des relais. C'est-à-dire que dans certains départements, il y a eu des actions de menées avec le Secours catholique, avec y compris de nouveau les Franca ou la Mutualité, pour avoir des temps d'échange citoyens sur la réalité des territoires et les besoins des territoires, histoire que nos revendications elles soient aussi construites par le débat et le débat avec les gens dans les bassins d'emploi en fait. Et puis là, dernièrement, lié à la crise, on a de nouveau évidemment mobilisé les gens du pacte, les membres du pacte sur l'entrée crise. Et là, trois fils qu'on souhaite partager et tirer. C'est autour des publics vulnérables, dont on sait que la crise va être violente pour eux. Et on a obtenu, nous, dans la région, une conférence sociale avec un enjeu autour des publics vulnérables. Et puis, il est donc nécessaire de travailler dans le cadre du plan pauvreté autour de ces questions-là. Et là, on va avoir une vraie mobilisation avec les acteurs du pacte sur cet enjeu-là. Et puis, l'autre fil qu'on veut tirer, c'est sur ce qu'on a appelé, nous, la prospective, c'est-à-dire que le monde de demain ne sera pas le même si on veut que le monde de demain, parce qu'on ne sait pas, mais si on veut que le monde de demain ne soit pas celui d'hier, faut qu'on travaille ensemble à se dire c'est quoi qu'on veut changer, c'est quoi les leviers qu'on active et comment on veut faire ces changements-là. Ah, Dieu, j'avais oublié les municipales, du coup. Ah oui, on les oublie, c'est ça le problème. On ne sait plus comment on vit là, avec ce confinement. Alors, on a interpellé les candidats des préfectures et sous-préfectures, enfin, des communes relevant d'une préfecture, d'une sous-préfecture, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait toutes les collectivités, mais les grandes et les moyennes collectivités. Et on a rencontré un certain nombre de candidats pour pousser là également nos enjeux. Alors, on a gardé trois thématiques, hein, la thématique logement, mobilité, santé. En fait, on est resté très centré autour de ces trois thématiques-là parce que ça s'articule vraiment sur la vie des citoyens, ça articule vraiment leur pouvoir d'achat. Ça a un impact sur, et on voit bien sur le climat, le confinement, l'impact que ça a eu. Et donc, sur les schémas de transport, sur le lien entre les collectivités pour aménager autrement d'autres mobilités que la voiture. Et puis autour des questions santé et logement, dont on voit bien que c'est du coup quand même très, très dans les prérogatives des collectivités. J'ai envie de dire que on n'a pas le choix dans le contexte qu'on vit et avec le choc économique qu'on va subir dans la foulée du choc sanitaire. Donc il va bien falloir que le gouvernement prenne en compte et ouvre la porte et écoute des structures comme ou des organisations telles que ce qu'on a construit autour du pacte parce que il y avait des fractures, mais le Covid-19 a accentué un certain nombre de fractures et de fragilités dans l'entreprise. Nous, on a vraiment constaté hein, dans l'entreprise, entre ceux qui ont continué à travailler, ceux qui ont fait du télétravail, les cols blancs, les cols bleus. On se le disait tout à l'heure, les mesures sanitaires et la remise aux normes de certaines entreprises ne se fait pas forcément avec un regard sur l'ensemble des salariés, y compris ceux qui portent un handicap. Fracture entre ceux qui ont un accès à Internet et qui ont pu facilement gérer leur vie en visio et puis gérer l'école et les autres. Et donc, un pays qui se fracture, c'est un pays qui est en danger. Donc, l'alerte portée auprès du gouvernement et du Premier ministre, elle est réelle. Après, moi, je suis convaincue aussi qu'une part des solutions est dans les mains des régions. Et que du coup, les régions, qui ont quand même dans la décentralisation un pouvoir économique et un pouvoir d'aménagement du territoire, doivent aussi se saisir de ces enjeux-là. Et on doit pouvoir avancer avec les régions pour faire changer dans les territoires. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent se passer au cœur des territoires et en proximité de la vraie vie des citoyens, en fait. On a deux routes, en fait. On a une route qui est, on va reproduire et rattraper tout ce qu'on a perdu. Et là, du coup, la dimension écologique et la dimension justice sociale, on la met à la trappe et on avance. Et on court à la faillite de la Terre. Et quand même, il y a la faillite de l'humanité, hein, si c'est ce chemin-là qui est choisi. L'autre chemin, c'est soutenir les entreprises, parce qu'il va falloir soutenir les entreprises, parce que c'est inédit et c'est un choc inimaginable qui est devant nous, hein, à la fois sur les filières, mais à la fois sur les TPE, et le commerce, et les hôtels, et enfin voilà, on n'a jamais connu un tel niveau de crise économique. Et le président a parlé de la guerre, qu'on était en guerre, et ben après une guerre, on reconstruit. Donc là, on ne voit pas que les maisons ne sont pas tombées, mais on a à reconstruire, et c'est cet autre chemin. Et cet autre chemin, on ne peut que le reconstruire en passant par les enjeux de la transition, l'innovation, regarder les chaînes de production, faire évoluer les modes de production, la qualité de la consommation. Et ça, c'est vraiment ce chemin-là qui permettra de sortir en préservant l'environnement, mais aussi en préservant la vie des citoyens d'aujourd'hui et la vie de nos enfants demain. Et là, l'idée, c'est de travailler ensemble à quelle forme d'innovation on pourrait construire pour répondre à cette urgence, à l'urgence qu'on va avoir à gérer assez rapidement, notamment auprès des jeunes qui vont se retrouver en difficulté face à l'emploi. Manque d'emploi, sortie de formation, etc. Donc ça, c'est les deux axes régionales. Et puis, dans les départements, on a des contacts qui commencent à se prendre pour regarder comment on peut être des acteurs territoriaux dans la reconstruction territoriale, du coup. Le niveau de danger qu'on est en train de traverser, la gravité de ce qu'on est en train de traverser, amènera des réponses à la hauteur du président, évidemment, du gouvernement, mais aussi des régions. Et on voit qu'on est obligé de s'imposer un peu partout, les uns et les autres, et que clairement, plus on sera nombreux à le faire, et plus on arrivera à ouvrir les portes d'une reconstruction par le dialogue et au service des citoyens.